Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, quatrième instruction, pour la fête de la présentation de Marie le 21 novembre. Captive dans l'Empire d'Assyrie, le peuple d'Israël gémissait sous un joug barbare, et son affliction était d'autant plus grande qu'il se voyait sur le point de devenir la victime infortunée d'un puissant ennemi. Le perfide Aman a juré sa destruction totale, et qui sera en état de le délivrer de ses mains sanguinaires? Nul espoir, humainement parlant, ne pouvait rester à ce malheureux peuple, d'autant plus que le monarque avait porté une loi sévère qui défendait à qui que ce fût d'oser s'approcher de son trône, sans avoir été appelé. Comment donc se tirer d'un péril si imminent? Mais réjouissez-vous, ô peuple du Seigneur, que le calme renaisse sur votre front, une femme charitable non moins que sage se présente devant le trône. Elle reçoit un accueil favorable, elle est invitée à parler, elle parle, et par ses manières pleines de charme, par son influence sur le cœur du prince, elle l'apaise, et obtient la révocation du fatal édit. Voilà, mon frère, une vive image de ce qui arriva en ce jour mémorable que nous sanctifions. Ah, nous étions condamnés à gémir sous le joug cruel du démon et du péché. Notre ennemi nous ayant vaincus, il nous tenait captifs et chargés de chaînes, il n'attendait plus que notre fatale ruine, et, pour comble de disgrâce, aucun de nous n'était en état de paraître en la présence du souverain roi du ciel, avec confiance de remporter la victoire sur notre adversaire. Tous par nature enfants de colère, tous esclaves de Lucifer, tous ennemis du Dieu de majesté, comment pouvions-nous espérer un facile accès et une issue favorable? Il fallait périr sans remède. Mais, grâce à Dieu, il s'est trouvé aussi pour nous une femme sage et agréable au Tout-Puissant, une femme de notre race, mais non comprise dans la loi de mort lancée contre les malheureux enfants du prévaricateur Adam. Elle se présente en ce jour au roi de gloire, et reçoit l'assurance que la loi n'est pas portée pour elle. Toutefois Marie n'est pas encore satisfaite, elle se préoccupe, non pas de son propre sort seulement, mais aussi du nôtre. Elle obtient en effet miséricorde pour nous tous, Cantique 8, 10. Voilà, mon cher frère, quel est l'objet de la fête de ce jour, objet bien digne de nos réflexions, plus digne encore d'être célébré avec allégresse et reconnaissance, très digne surtout d'être imité par nous, autant que le comporte notre misérable condition. Livrons-nous donc au plus doux sentiment en ce jour de joie et de bonheur. Mais afin que notre fête soit telle qu'elle puisse nous conduire à la fête éternelle qui se célèbre dans le ciel, ayons soin de nous présenter au Dieu de toute majesté, dans la compagnie de Marie, notre chef. Oui, présentons-nous, mon frère, comme s'est présentée Marie. Quelle présentation fit-elle? En d'autres termes, quelles furent les conditions qui accompagnèrent l'offrande qu'elle fit en ce jour au Seigneur? Il y en eut un grand nombre, mais nous nous bornerons à en considérer trois. La présentation et l'offrande que Marie fit d'elle-même à Dieu fut prompte. Elle fut entière, elle fut irrévocable. Nous devons donc aussi nous offrir à Dieu promptement, entièrement et irrévocablement. À quel âge la Sainte Vierge alla-t-elle se présenter au Seigneur? À quelle époque de sa vie se dévoua-t-elle au service de Dieu dans son Saint-Temple? Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Damascène, Saint Germain, patriarche de Constantinople, Saint André de Crète, et d'autres, croit que cela arriva lorsqu'elle était âgée de 3 ans seulement, voyez Benoît XIV, Infesto Présentation. Et quoique cette opinion ne soit pas tellement fondée qu'elle impose silence à toute critique, les enfants de Marie peuvent néanmoins l'embrasser avec sécurité. Ce qui est indubitable, c'est que Marie se présenta au temple dès ses plus tendres années, puisqu'elle en est sortie à l'âge de 14 ans. Cela me suffit pour avancer que l'offrande qu'elle fit d'elle-même fut prompte et sans délai. Marie n'agit certainement pas comme le font trop de chrétiens qui ne se déterminent à se donner à Dieu qu'après avoir consacré les premières, les plus belles et les plus florissantes années de leur vie au service du monde et du démon. Quelle utile leçon pour nous, mon cher frère, et peut-être aussi quel sujet de confusion. Dites-moi, mon frère, combien d'années avez-vous déjà accumulées sur votre tête? Vous avez à présent, je suppose, 15, 20, peut-être même 30 et 40 ans, et bien vous êtes-vous déjà offert au service de la Divine Majesté? Pas encore, je veux le faire dans la suite. Vous ne l'avez pas encore fait, vous avez mal fait, mon frère. Vous avez donc consacré les prémices de vos années à un tout autre amour qu'à l'amour de Dieu et à son aimable service? Vous vous êtes trompé. Et qui plus que Dieu avait droit de réclamer les premiers hommages de votre existence? Qui plus que Dieu méritait de recevoir les prémices de cette vie, que vous tenez de sa bonté? Quel objet plus digne que Dieu avez-vous pu trouver pour lui offrir les premiers tributs de votre cœur? Vous vous êtes donc trompé en dédiant vos prémices à un tout autre objet. Mais toujours est-il que le mal est commis, et il ne reste qu'à gémir et à verser des larmes sur les années qui sont écoulées. Nous devons dire avec saint Augustin, « Ah mon Dieu, je vous ai connu trop tard, je vous ai aimé trop tard. Je connais maintenant le mal que j'ai fait, je veux y porter remède. C'est ce que vous dites avec moi, comme j'aime à le supposer. Mais quand ferons-nous notre offrande au Seigneur? Je veux la faire, me répondez-vous peut-être, mais non pas présentement, je la ferai après avoir réglé mes affaires, après avoir terminé d'autres entreprises. Après avoir mis ordre aux choses de ma maison, après avoir choisi un état, après avoir déchargé tel engagement que j'ai contracté. C'est ainsi que trop souvent répondent bon nombre de chrétiens, si pas toujours par leurs paroles, au moins par leurs actions. À mon frère, si jamais il en était ainsi de vous, que vous entendriez mal vos intérêts. Vous voulez donc le faire, mais pas maintenant, et pourquoi pas maintenant? Parce qu'à présent j'ai d'autres affaires à expédier, j'ai d'autres engagements sur les bras. Mais, mon Dieu, auriez-vous par hasard quelque affaire plus intéressante que celle-là? Avez-vous des engagements plus forts et plus étroits que ceux que vous avez contractés envers Dieu? En recevant de lui l'existence est quelque chose de plus précieux encore dans le saint baptême? Y aurait-il quelqu'un qui eût sur vous un droit plus fort et plus ancien que celui dont votre Dieu est en possession? Y aurait-il quelque affaire plus importante pour vous que de procurer votre salut éternel? À tout au contraire, c'est là votre affaire capitale, votre unique affaire, la seule à laquelle vous devriez vous appliquer tout entier. Quand toutes les autres auraient une fâcheuse issue, si celle-là réussit, tout est gagné, tout est assuré, mais si elle vient à manquer, si vous y donnez de travers, que vous sert-il d'avoir réussi dans toutes les autres entreprises? Que vous sert-il de gagner l'univers? Si vous venez à perdre votre âme, Matthieu 16, 26, qu'y a-t-il qui puisse compenser la perte de votre salut éternel? Qu'est-ce que l'homme donnera en échange pour son âme, ibidem? Que, vous êtes donc imprudent de vous livrer aux affaires de moindre, ou plutôt de nulle importance, et de mettre au dernier rang celle qui est la plus importante de toutes. Quand vous auriez une certitude absolue de trouver le temps opportun pour la traiter après vous être dégagé de toutes les autres que vous avez en main, vous ne pourriez néanmoins éviter d'être taxé d'imprudence en lui réservant la dernière place. Mais je dis plus, si vous négligez de vous rendre sur le champ à l'appel que Dieu fait à votre cœur, vous courrez risque évidemment de vous perdre à jamais, parce qu'évidemment vous courrez risque de ne trouver plus ni le temps, ni l'opportunité pour traiter la grande et importante affaire de votre salut éternel. L'Esprit Saint a soin de nous avertir de ne pas tarder un instant de nous donner à Dieu, et de ne pas différer de jour en jour, et pourquoi cela? Parce que la colère de Dieu se déchargera, quand on s'y attendra le moins, sur les malheureux retardataires, Ecclésiastique 5, 8. Et mon frère, persuadez-vous seulement de cette grande vérité que le Dieu qui promet le pardon à quiconque se repent, ne promet à personne le temps de se repentir au besoin, dit saint Augustin, discours sur les psaumes 101, 9. Mais peut-être aurai-je le temps et le loisir dans une autre occasion. Ah, mon frère, votre folie se déduit de vos paroles mêmes. Peut-être vous l'aurez, mais peut-être aussi ne l'aurez-vous pas et vous seriez assez insensé pour appuyer l'affaire la plus décisive sur un timide peut-être. Tenez plutôt, vous dirai-je avec saint Augustin, tenez fortement le certain, et laissez là ce qui est incertain et douteux. Or, il est certain que si présentement vous répondez à l'appel que le Seigneur vous adresse, vous obtiendrez le pardon de vos désordres passés, il est incertain d'ailleurs si vous aurez le temps et l'opportunité de le faire à l'avenir. Attachez-vous donc au premier parti qui est certain, et renoncez tout de bonne au second si douteux et si incertain. Donnez-vous sans délai à ce Dieu qui vous appelle et vous attend. Profitez de la conjoncture favorable qui se présente de vous offrir avec Marie à sa divine majesté. Elle prendra soin d'accompagner de son agréable offrande, celle que vous ferez, elle songera à vous obtenir de son divin Fils le pardon et la grâce, mais si vous négligiez cette heureuse occasion, qui sait si la Sainte Vierge elle-même, à l'exemple de Jérémie, n'irait pas plaider contre vous, et ne dirait pas en s'adressant à son divin Fils, « Souvenez-vous, mon Fils, que je me suis tenu longtemps en votre présence pour défendre la cause de ce malheureux, et détourner de lui votre juste indignation, mais il a abusé de mon intercession maintenant donc il est temps que vous déchargiez sur lui vos redoutables châtiments. » Confère Jérémie 18, 21 et 23. Hélas, ne tardez donc plus un seul instant, mais hâtez-vous de vous donner à Dieu avec Marie, en ce jour si propice, que notre oblation soit prompte, sinon autant que le fut celle de Marie, du moins autant que possible. En second lieu que notre offrande soit entière, comme le fut celle que Marie fit d'elle-même, elle ne s'offrit pas en partie, mais totalement, elle ne mit aucune réserve, aucune restriction à sa consécration, mais elle se dévoua tout entière au service de la divine majesté, et son cœur, et son âme, et son corps, et ses sens, et ses puissances, et toutes ses facultés, s'immolant au Très-Haut. En odeur de suavité. Sa présentation fut un nouvel holocauste, dans lequel la victime doit se consumer tout entière en l'honneur de Dieu, comme se consuma en réalité la vie de Marie tout entière. Or, telle précisément doit être l'offrande que nous avons à faire aussi de nous-mêmes à la divine majesté. Ce doit être un sacrifice, mais non un sacrifice quelconque, ce doit être un holocauste parfait. Et il est bien juste qu'il en soit ainsi, car dites-moi, Dieu n'est-il pas le maître de tout? Tout ce que nous possédons n'appartient-il pas à sa divine majesté? Aurions-nous par hasard reçu ce bien-ci de Dieu, et ce bien-là de quelque autre que lui? Certainement non, tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu, et pourquoi donc voudrions-nous ne lui en rendre qu'une partie? Ne voyez-vous pas qu'il y aurait injustice à en agir ainsi, ou plutôt que ce serait usurper ce qui est dû rigoureusement au Seigneur? Dieu proteste en effet qu'il déteste et qu'il a en abomination la rapine de l'Holocauste. Il proteste également qu'il n'agréera jamais un sacrifice divisé, et dont il n'a que la moitié. Si nous lui faisons une semblable offrande, au lieu de nous attirer sa faveur, nous encourrons sa réprobation, au lieu de trouver la vie, nous trouverons la mort. Osée 10, 2. Mais pourquoi, mon frère, voudrions-nous faire un semblable partage? Pourquoi, trouverions-nous peut-être que Dieu manque de titres pour exiger une offrande entière? Croyons-nous qu'il n'est pas capable d'occuper toutes les affections de notre cœur? Ou bien le jugeons-nous si avare de ses biens qu'il ne veuille pas seulement rassasier nos désirs? Mais pouvons-nous y penser, tandis que nous savons que Dieu est infini en tout genre de perfection? Ah, nous devrions désirer d'avoir un cœur infini afin de pouvoir aimer dignement un bien infini, ou plutôt nous devrions désirer d'avoir une infinité de cœurs, afin de les embraser tous entièrement d'amour pour le bien souverain et infini. Mais nous n'en avons qu'un seul, encore est-il si petit, si étroit, et néanmoins nous voudrions encore le diviser en réservant une partie pour la consacrer à des objets étrangers, pour la prostituer à de folles amours. Mais quoi, Dieu, tout infini qu'il est, ne dédaigne pas cependant d'occuper son cœur tout entier à nous aimer, tout infini qu'il est, il se donne néanmoins tout à nous, tout infini qu'il est. Il se contente de recevoir en échange notre cœur qui est si limité, il s'en déclare satisfait, et après cela nous jugerons ne pouvoir trouver notre contentement en Dieu seul. Si vous suffisez à Dieu, que Dieu vous suffise, dit saint Cyprien, il ne vous connaît pas assez, il vous aime trop peu, ô mon Dieu, celui qui, après vous, veut ou cherche encore autre chose. Ainsi parle saint Augustin. Que Dieu nous suffise enfin, mon cher frère, qu'il soit l'unique et total objet de l'offrande totale que nous devons faire en ce jour, à la suite de la Sainte Vierge, que notre offrande soit donc, non seulement prompte, mais encore entière et parfaite. Enfin qu'elle soit irrévocable, parce que telle fut l'offrande que Marie fit d'elle-même. Je ne m'arrête pas à vous prouver que l'offrande de Marie fut réellement irrévocable, car qui pourrait en douter, qui pourrait croire que Marie eût jamais repris ce qu'elle lui avait donné dans sa première oblation? C'est donc un point hors de doute. Il ne me reste qu'à prouver que telle doit être la nôtre, si nous voulons qu'elle soit agréable aux yeux de la Divine Majesté, utile et avantageuse à nous-mêmes. Que servirait-il, je vous en prie, aux pieux serviteurs de Marie, de nous donner tout à Dieu par une espèce de fiction, c'est-à-dire, en sous-entendant la condition que cette consécration ne durera que quelques instants? Croirions-nous par là faire une chose agréable à la Divine Majesté? Je vous dis au contraire que nous lui ferions un outrage solennel, et que nous nous rendrions abominables devant lui. Ecclésiastique 20, 16. Celui-là est abominable, non qui ne donne rien, mais qui prête pour un jour seulement, ou pour peu de temps. Il eût mieux valu ne point faire d'offrande. Si donc nous voulons que Dieu l'accepte, il faut l'accompagner d'une volonté décidée de ne lui retirer jamais ce que nous lui présentons. En outre, nous devons faire en sorte de tenir réellement à notre promesse, de demeurer ferme dans la résolution une fois prise d'être tout à Dieu, jusqu'à résister à tous les assauts qui pourraient nous venir des passions, ou du démon, ou de quelque autre ennemi de notre vrai bonheur, si nous voulons que notre offrande soit utile à notre salut éternel. Que sert de commencer une fois à faire le bien, si l'on n'y persévère pas? Tous ceux qui auront entrepris le bien ne seront pas sauvés, mais ceux-là seulement qui, ayant une fois bien commencé, auront persévéré dans leur bonne résolution. Matthieu 24, 13. Il n'est quasi aucun chrétien, quelque pécheur qu'il soit, qui ne se repente quelquefois de ses fautes, qui ne les confesse et ne se propose de ne les plus commettre. Mais de quoi cela sert-il, si ensuite l'on ne persévère dans ses bons propos? Nul ne sera couronné que celui qui aura légitimement combattu, et quel est celui qui combat légitimement? Celui-là seul, dit saint Augustin, qui persiste dans le combat jusqu'à la mort. Or, dites-moi, serviteur de Marie, combien de fois avez-vous commencé à mener une bonne vie? Combien de fois vous êtes-vous offert à Dieu et à la très sainte Vierge, protestant de vouloir leur être fidèle jusqu'au dernier soupir? Vous l'avez fait plusieurs fois, spécialement dans les solennités de la Sainte Vierge, lorsque vous vous êtes acquitté de vos devoirs religieux. Mais répondez-moi, avez-vous été fidèle à tenir ces promesses? Je veux bien l'espérer, mais s'il en était autrement, que devrais-je dire? Mon cher frère, que faisons-nous? Voudrions-nous continuer ce train de vie? Voudrions-nous toujours violer la foi jurée? Ah non, disons une bonne fois, nous formons la résolution généreuse, constante et décidée, de mourir plutôt que de manquer jamais plus à notre parole. Je prends cette résolution, semblez-vous me dire, mais à quoi bon, si ma faiblesse est si grande, que le plus léger assaut me renverse? À ma faiblesse, voilà ce qui me fait craindre. Au courage mon frère, espérons toujours vous serez plus fidèle à l'avenir, vous ne tomberez plus, faites ceci. Déposez entre les mains de Marie les bonnes résolutions que vous allez prendre aujourd'hui, et priez-la de vouloir bien s'en faire la gardienne, afin que vous demeuriez constamment fidèle à ce que vous promettez, ou plutôt abandonnez-vous tout entier entre ses bras maternels, lui laissant le soin de vous présenter elle-même à Dieu, de la manière qu'elle jugera la plus convenable, entièrement et sans réserve, absolument, irrévocablement. Priez-la ensuite de faire en sorte que jamais plus vous ne veniez à ravir à Dieu ce qu'elle-même lui aura donné en votre nom. Faisons ainsi, mon frère. Oui, ô Mère Clémente et bien-aimée, nous voudrions nous offrir à la Divine Majesté, de compagnie avec vous, mais nous n'avons presque pas le courage de le faire, à cause de notre bassesse et de notre excessive inconstance. Daignez-y suppléer, prenez nos cœurs, et allez ensuite les lui présenter comme il vous plaît, mais aussi songez à les garder, afin que jamais plus ils ne lui échappent. Liez-les, attachez-les par les chaînes du saint amour de Dieu, tenez-les si étroitement serrés, que désormais ils ne donnent plus entrée qu'à l'amour divin, qu'il y brûle et consume toutes les autres affections, pour n'y laisser que celles que vous désirez voir régner dans nos cœurs. Amen. Markem Dan Archivorg 2023, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.